بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم. فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا في باب لين الكلام لوالديه. Et ça, في الحقيقة ça rentre dans le premier chapitre qu'on a pu voir. قال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان لوالديه حسنا. Ça, c'est un tafsir de cette ayah là. Parmi al-ihsan envers les walidain, le fait de leur aviser des paroles douces et tendres. Enfin, ça fait partie de l'ihsan. Et min huquq al-walidain, c'est le fait d'avoir des paroles dures envers eux, d'élever la voix sur eux. Enfin, il se doit d'être modeste envers ses parents. Allah Azza wa Jalla a ordonné de faire preuve d'humilité, comme on va voir dans la ayah. وَخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Et sois modeste, sois doux envers tes parents. Fais preuve d'humilité envers tes parents. Enfin, on a pu voir le athar d'Ibn Umar radiallahu anhu, un athar qui est azim jiddan, dans lequel une personne parmi Taysala ibn Mayyas, il est venu le voir et l'a questionné au sujet de certains péchés qu'il avait commis et qu'il pensait qu'il faisait partie des kaba'ir. Donc il est venu le voir afin de s'assurer. Et il a été muwaffaq sur le fait de revenir aux gens de science afin de s'assurer. On ne pose pas la question à n'importe qui. Tu vois, à notre époque, les gens, lorsque c'est des sujets qui sont relatifs à la religion, eh ben, il la présente à n'importe quelle personne. Il demande à n'importe quelle personne. À partir du moment que cette personne-là, il le voit près dans la mosquée, il lit un peu le Coran, il voit un peu de salah fihi, un peu de taqwa, là, qu'il ne connaît pas le cursus de cette personne-là, est-ce qu'il étudie ou pas. Le simple fait qu'il a l'ihya ou bien qu'il porte le qamis, il le questionne au sujet de sa religion. Alors qu'il ne sait pas que, ou plutôt ils ignorent, ils oublient que poser des questions, ça fait partie de la science, ça fait partie du ilm. Et le ilm insan, il se doit de le conserver, de faire super attention. C'est pour ça qu'ils ont dit certains des salafs, inna hada al-ilm dinun. Cette science, c'est une religion par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fait, il pose la question à n'importe quelle personne. Alors que, lorsque c'est des sujets qui traitent et qui touchent à la dunya, tu les vois demander à l'expert dans la matière, ils font super attention de savoir à qui ils vont demander le conseil et le renseignement lorsque c'est des choses qui sont relatives à l'argent, les placements et l'akhirah. Ils ne demandent pas à n'importe quelle personne qui passe dans la rue pour lui demander un renseignement, bien une nasiha, un conseil pour un placement d'argent d'un million de francs. Il ne va pas demander à n'importe qui. Il va faire super attention. C'est, subhanallah, il y en a certains des gens, certaines des personnes, ils ont mis la dunya au-dessus de l'akhirah. Ils sont beaucoup plus préoccupés par ces choses-là, mondaines, que les choses religieuses. Wallahu musta'an. Mais dans les cas, c'est que il pose la question au premier venu. Fahada yani sa'ala man Ibn Umar, alim. Il lui a répondu que ces choses-là ne faisaient pas partie des al-kaba'ir. Ensuite, il lui a évoqué 9 parmi les kaba'ir. Et la munasabaha huna, c'est qu'à la fin, il a donné une nasiha. Il a donné une nasiha. Et wallahu a'lam, on a oublié d'évoquer pourquoi cela. Parce que al-an, cette personne-là faisait partie de quoi? Najadat. Et Najadat ma'rouf, comme on a pu voir, ils avaient une aqidah qui était shadida, une croyance qui était vraiment, mais vraiment distante de l'islam. Que toute personne qui fait des kaba'ir, c'est un kafir billah. Et toute personne qui s'entête sur un petit péché, c'est un kafir billah. Enfin, ils ont une croyance qui est shadida, jiddan, qui est na'i'a, qui est vraiment loin de l'islam. Enfin, c'est comme si Allah Alam, il a voulu lui enjoindre certains conseils, afin de se rattraper. Afin de se rattraper. Il a dit atafraqun nar. Et ces personnes-là, leur croyance, elle est basée sur l'exagération de la peur de l'enfer. C'est pour ça qu'ils sont venus, ils ont jugé des kabar, c'est que ça fait partie de la mécréance, ou bien le fait de s'entêter dans un petit péché, que ça fait partie de la mécréance. Ils ont eu un ifrat, une exagération dans la peur d'Allah et Azzawajal et de l'enfer. فَقَالَ أَتَفْرَقُ النَّارِ وَتُحِبُّ الْجَنَّةِ. Non, ces personnes-là, ils recherchent cela. Ensuite, il a conseillé. Il a dit, وَاللَّهِ لَوْ أَلَّنْتَ لَهَا الْكَلَامِ وَطْعَمْتَهَا الطَّعَامِ لتدخلن الجنة مشنت الكبائر. فالنصيحة جيدة. D'être bon envers sa mère, par le biais des paroles, lui dire des paroles douces, alain talah al kalam, tu lui évoques et tu lui avises des paroles très douces. Al nasiha, c'est une parole douce. Même si jamais elle a fait une erreur. Elle a fait une erreur et elle n'aime pas, mesalam, que tu l'évoques. La bouddha min al nasiha, tu ne peux pas y en te taire et te dire, si jamais j'évoque ceci et cela par rapport au péché qu'elle a fait, je fais nasiha, va pas aimer. Ça fait partie de l'hymne. Parce que à travers cela, si jamais elle se conforme à cette nasiha-là, c'est un rahma. C'est une miséricorde pour cette personne-là. Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Allah wa rasul la'allakum tarhamun. Fata'atullah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, c'est la rahma. C'est la miséricorde, c'est la douceur. Donc accepter la nasiha, lui présenter la nasiha, lui aviser la nasiha, c'est kadalika, ça fait partie de la tendresse des paroles. Un wa'd in mu'izah jayyida, qui l'a fait pleurer, tu zakkaraha bil jannah. Zakiraha bin nar, tu le fais déraper sur l'enfer, le paradis. Enfin, tout ça fait partie ad-din. Ad-din kulluhu, c'est la tendresse. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad-din yusrun. Le din, c'est la facilité, l'aisance. Le din, c'est du din. Donc, il y a une alien. Les choses les plus tendres parmi les paroles qu'on puisse aviser à nos parents, c'est le din. Al-nasiha, ta'lim, le fait de leur enseigner. Les obligations dans l'islam, min tawhid, wa aqida, wa salat, wa zaka et l'akhiri. Enfin, ça, c'est la tendresse dans les paroles. Il ne faut pas juste penser que c'est le fait de baisser la voix et. Non, c'est pas que ça, c'est que ce soit dans le fond ou dans la forme. Dans le fond ou dans la forme. Dans le fond, l'islam, c'est que de la douceur. Même si jamais tu viens et que tu élèves la voix sur quelqu'un, mais tu lui fais une nasiha bihaq, parce que tu te devais d'élever la voix à ce moment-là, mais ça fait partie de la tendresse dans les paroles. Cette personne qui est venue et qui a dit au prophète alayhi salatu wasalam, ma sha Allah wa shi'at. Qu'est-ce qu'il a dit? Aj'alta li lillahi niddan? Fa sha'ala al-Albani l'a dit, il a fait preuve de dureté. Parce qu'il a dit une chose qui était pas convenable. Malgré qu'il n'a pas intentionné de dire que le prophète que la volonté du prophète est semblable à celle d'Allah azza wa jalla, pas intentionné cela, qu'il a fait une erreur. Ma dhalika ila Abdallah ibn Nabi sallam, il a rectifié avec dureté. Enfin, le din, c'est une hikmah, kulluhu. Que ce soit par la dureté, ou bien par al-rifq. Kulluhu, rahma. Parce que tu cherches à travers cela que cette personne se réforme et qu'elle se conforme à la nasiha afin qu'il œuvre. Donc ça, c'était, on rajoute ce qu'on avait pu voir la dernière fois. De savoir que le din, al-nasiha, al-ta'lim, tout ça rentre dedans. Al-lantalah al-kalam. Ça fait partie des paroles douces. N'aam. Tamqa, rahimahallahu ta'ala. Qala an Urwa ibn Zubayr, rahimahallahu ta'ala. Qala subhanahu wa ta'ala. Waghfir lahuma janaha al-dhulli min al-rahmah. Qala la tamtani' min shay'in ahabbah. Et ce athar-là, il est authentique. Une chaîne de transmission dont tu jures par Allah qu'il a dit. Abu Nu'aym, An Sofyan, An Hisham, qui est son fils, An Abi, chaîne de transmission 100% authentique. Que des rijal, que des hommes. Qala, An Urwa ibn Zubayr. Urwa ibn Zubayr, il faut savoir que c'est un grand alim. C'est le frère de Abdullah ibn Zubayr. C'est le frère de Abdullah ibn Zubayr. C'est-à-dire que sa mère, c'est Asma, bint Abu Bakr. Et son père, c'est Zubayr ibn al-Awam. Lakin Urwa, lui, il n'a pas rencontré le prophète alayhi salatu wasalam. Ama son frère Abdallah, naham. Même Abdallah, on a pu l'évoquer à certains, yani c'est le premier qui a été né dans l'islam après la hijra. Donc lui, il est venu après. Un tabi'in, un kibar al-tabi'in, et il fait partie des fuqaha sab'a. La'ala, tu vas entendre, ou tu as peut-être entendu cette nomination-là. Al-fuqaha sab'a, les sept jurisconsultes qui étaient présents à Medina. Et lui faisait partie de ces éminents jurisconsultes, ces éminents fuqaha. C'était un alim jiddan. Kan aliman rahimahullahu ta'ala. Fa il a évoqué la tafsir de la parole d'Allah azza wa jalla, waghfir lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahmah. Par miséricorde, rabais sur eux l'aile de l'humilité. Qu'est-ce qu'il voulait par l'aile de l'humilité? L'aile, comme on a pu voir, Haruna, c'est une métaphore. C'est pour dire yani, le bras, les mains. Allah a comparé l'humain, ou plutôt la main de l'humain comme une aile. Et ma'ruf, yani lorsque les oiseaux ils rabattent sur eux les ailes, des fois ils le font d'une manière, c'est jamil jiddan. Tu les vois en train de faire ça, c'est jamil, tu vois à travers cela une beauté, une perfection dans la création d'Allah Azza wa Jalla. Ha, on est là, voulu Allah subhanahu wa ta'ala évoquer que l'insan, l'enfant, il se doit d'être doux avec ses membres. On a dit janah al-dhul, c'est-à-dire que lorsque on fait des gestes, lorsqu'on tend nos mains, lorsqu'on on utilise nos membres, il faut qu'on le fasse avec douceur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, min ar-rahma, par miséricorde et par douceur. On ressent à travers cela l'humilité. La yatakabbar ala al-walidain. Comme on a dit, مثلا, des fois, il y en a, on a déjà vu ce genre de d'attitude et de mouvement. Lorsque la mère elle lui demande une chose, t'as le geste qu'ils font pour dire vas-y, laisse-moi, tu vois. Sans parler, mais là, juste ce geste-là, il suffit, tu vois. Ça, c'est pas. Ça ne rentre pas dans cette aïe-là. Là, c'est le contraire total. Enfin, on se doit, vis-à-vis de nos parents, d'avoir une douceur à travers nos membres, et à travers nos paroles, et comme je t'ai évoqué, à travers nos attitudes. Berlwalidin, ça touche ces trois aspects-là. Les paroles, les actes et quelle attitude. Enfin, tout cela, on se doit d'avoir une douceur, une humilité. La natakabbar ala al-walidain abadan. Ensuite, l'évoquer, il a dit la tamtani' min shay'in ahabba. La tamtani' ne refuse rien des choses qui vont te demander, tu ne refuses pas. Et dans la mesure du possible, du ma'ruf et du convenable. Parce que comme on a pu voir, hawana, ahabba, des choses qu'ils aiment, il faut que ce soit des choses qui soient dans l'agrément d'Allah et Azza wa Jalla, ou bien des choses qui sont mubah, autorisées, comme on a pu voir. Rida al-Rab, firda al-Walid. Rida al-Rab, firda al-Walid. L'agrément d'Allah et Azza wa Jalla, kazalika, il passe par l'agrément de nos parents. Et bil ma'ruf. Donc les choses qu'ils aiment et les choses qui sont dans le convenable. Bil ma'ruf. Ama si ils aiment une chose, min al-haram, fa hawana labbud anahu yamtani'. Il se doit de refuser. Il se doit de refuser. Kama qala subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. قَالُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الطَّاعَةَ بِالْمَعْرُوفِ. L'obéissance est dans le convenable. Ça rentre dans كَذَلِكَ. Lorsque tu ne peux pas faire une chose, tu n'es pas disponible maintenant à pouvoir le faire, لكن rien n'empêche que tu puisses يعني, leur dire une belle parole. Tu leur dis Inch'Allah, je vais te faire ça. Lorsque je finis, je m'occupe de cela. Malgré cela, si jamais tu ne peux pas le faire, tu es dans l'incapacité de pouvoir le faire, ou tu es indisponible pour ce moment-là, pour une raison qui fait que tu ne peux pas. La personne est au travail, ou la personne elle ne se trouve pas dans l'endroit où sa mère veut qu'il lui ramène une chose. Rien n'empêche, rien ne t'interdit de pouvoir leur dire une belle parole. Abshir, je vais le faire directement lorsque j'arrive à la maison. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Ceci et cela. Il y en a parmi les belles paroles. Enfin, ça, c'est un athar qui a inscrit dans l'explication de cette ayah-là. Et qui est un athar qui est sahih. Qui est un athar qui est sahih. Non, le hadith là à venir, il est grand. On va se contenter sur là. Il y a Akhana. Fillah. Non. Ou des affaires. Ou des affaires.